Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1980, les nuits magnétiques consacrées au cinéma italien, après les marginaux, les dialectes et le néoréalisme, s'intéressaient à ces personnages. Qui sont-ils, les personnages du cinéma italien? D'où viennent-ils? De la Commedia dell'arte? Sans doute, toujours un peu Pantalone, Pulcinella, Scapino ou Scaramuccia. Ils nous arrivent en tout cas par le talent de comédiens venant eux-mêmes, pour la plupart, du théâtre. Qu'ils s'appellent Toto, Sordi, Tognazzi ou Manfredi, ils ou elles, qu'elles soient Colombine ou Isabelle, qu'elles aient le visage de Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Silvana Mangano, Giulietta Massina ou Anna Magnani. Dans le drame ou la comédie, ils viennent de la rue, du génie d'un peuple dans toute la diversité de ses provinces, de ses villes et de ses langues. Nuit magnétique, le cinéma italien, numéro 4 sur 5, les personnages. Cinéma sous les branches, séquence 4, personnages. Par Roland Huguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Claude Belli, Jean Domarquis, Enrico Fulchignoni, Francesca Isidori, Alain Garceau, Gérard Legrand, Jean-Paul Manganaro, Alberto Sordi, Aldo Tassone. Qui, elle, alors, a persisté, n'est-ce pas, qui existait avant le néo-réalisme, qui a persisté depuis, c'est l'extraordinaire facilité des tournages. Je ne parle pas de facilité véritable, je crois que c'est très difficile. Mais, enfin, l'extraordinaire abondance de tournages en plein air. On voit en Italie aussi facilement des tournages en plein air qu'à Paris, on les remarque. Hein. En Italie, assez souvent, on peut dans une ville apercevoir une équipe de cinéma qui est en train de tourner quelque chose. À distance, c'est souvent difficile, si on ne s'arrête pas, de savoir s'il s'agit d'une équipe de télévision, d'une équipe de cinéma. Mais en tout cas, ceci certainement fait que le public italien vit en effet, sinon en osmose, tout au moins en contact, je crois, très, très continuel avec le cinéma. Je peux citer à ce sujet deux anecdotes dont l'une est assez terrible, mais l'autre est, si l'on veut, plus divertissante. C'est que, après l'assassinat d'Aldo Moro, une équipe de la télévision japonaise a eu l'idée tout à fait étrange à nos yeux de reconstituer l'enlèvement d'Aldo Moro sur les lieux mêmes où ça s'était passé. Qu'ils aient eu l'autorisation, ça c'est déjà une chose très bizarre. Et j'ai appris en lisant la presse italienne que les gens avaient été affolés. Mais leur affolement s'est exprimé de la façon la plus étrange. Ils ont dit « il recommence ». Or, il recommence, ça n'avait aucun espèce de sens, n'est-ce pas, puisqu'on ne pouvait pas recommencer ce crime, c'était impossible. C'était donc une espèce de fantasme, comme si le premier enlèvement avait été lui-même une sorte de film tragique. Ça, psychologiquement, ça, je ne crois pas que ça puisse s'expliquer autrement. Ils se sont précipités à la police, où on les a calmés en leur expliquant que c'était une télévision étrangère qui s'était avérée être une télévision japonaise. Bon, ils sont partis ensuite, j'espère, discrètement. Mais, et le deuxième exemple qui va dans le même sens, et qui est plus récent, et assez tragique aussi, mais c'est que récemment, à Rome, qui n'est pas tragique parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais à Rome, des gangsters ont attaqué une succursale, et je dis bien à Rome même, une succursale de l'agence Cook, en prétendant tourner un film. Se sont fait donner de l'argent, et d'après, je ne sais pas si c'est un faux bruit, mais enfin, on affirme que Fellini était dans les environs et ne s'est même pas rendu compte qu'il s'agissait d'un faux tournage. Ça rappelle l'histoire bien connue de Dillinger qui a attaqué une banque aux États-Unis en prétendant que c'était le tournage d'un film, mais là il y avait mort d'homme et tout le monde a admiré la façon dont l'acteur qui jouait le caissier mourait, jusqu'au moment où on s'était pas su qu'il s'agissait véritablement du caissier et qu'il était vraiment mort. Mais c'est cet hiver, c'est au mois de décembre, n'est-ce pas? Ils sont entrés en disant nous tournons un film et il y a un hold-up dans l'agence Cook, comme on très bien. Ils ont enlevé de l'argent et apparemment personne ne s'est rendu compte que c'était faux. Je sais bien que ce sont des anecdotes un peu dépréciatives, peut-être, et je ne voudrais pas qu'elles soient telles, mais en tout cas, pour témoigner d'une sorte de crédulité, entre guillemets, à l'égard du cinéma, et d'une facilité à voir le cinéma dans la vie, je n'ai malheureusement pas d'histoire plus positive à vous proposer. Si on prend le cas d'Alberto Sordi, si on prend le cas de Tognazzi, des grands acteurs italiens, de Toto par exemple, ou alors parmi les actrices de Sofia Loren, de Lollo Brigida, un petit peu moins, mais enfin je cite si vous voulez quelques noms, comme ça les premiers qui me viennent à l'esprit, on est en présence d'acteurs qui ont quelque chose à eux qui suintent la réalité, qui suintent la... Je ne dis pas la vulgarité, ce serait excessif, mais il y a quelque chose qui sort, ça sort naturellement, ça vient des tripes, ça vient de... ils n'ont pas besoin d'un texte, s'ils l'ont très bien, parfait, mais ce texte, ils vont le retravailler, ils vont le recomposer, ils vont lui donner une spontanéité formidable. Prenez des films comme Le Fanfaron, prenez des films comme Les Monstres, toute cette tradition de la comédie italienne. On est très près de la réalité. Alors... Évidemment, si on prend un non-professionnel, si on prend comme De Sica prend, j'ai oublié son nom, il s'appelait comment ? Il s'appelait Alberto Maggiorani, bon, dans Voleur de bicyclette. Alberto Maggiorani, c'était qui ? C'était un chômeur qui n'avait jamais de sa vie fait de cinéma, qui n'avait jamais de sa vie fait de théâtre. Eh bien, le film aurait-il été meilleur s'il avait été interprété par un grand acteur ? Je ne le pense pas, je crois que nous sommes là vraiment... au cœur du néo-réalisme, c'est-à-dire que l'acteur non professionnel retrouve spontanément, retrouve tout naturellement un certain style de jeu qui est typiquement italien. Alors, si c'est Alberto Sordi, il aura peut-être un effort à faire pour revenir, mais pas tellement d'efforts, parce qu'il lui aussi est né dans le peuple, parce que lui aussi voit comment s'expriment les gens du peuple, les gens de la rue, et l'acteur de cinéma italien retrouve cela. Allez en Italie, promenez-vous un petit peu en Italie. Moi, je connais par exemple assez bien la région de Florence. Je vous assure que on assiste dans les rues à certaines discussions entre chauffeurs de taxi et policiers. Et vous prenez une caméra, vous filmez ça, vous allez obtenir un film italien. Vous allez obtenir un film où les gens jouent admirablement juste. Juste et puis d'ailleurs fort et puis avec véhémence et avec enthousiasme et avec tout un côté extérieur, enfin toute une extériorité, tout un exhibitionnisme spontané qui est typiquement italien. Gastone, artista cinematografico, artista del varieté, danseur, disseur, frequentatore dei bal tabarin, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. È una satira afferrata al bell'attore fotogenico affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso. Gastone, sei del cinema il padrone. Gastone, Gastone, Gastone, ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Gastone, Gastone, sono sempre ricercato per le fine più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche. Con la riga il pantalone, Gastone, Gastone. Tante mi ripetono sei elegante, bello, non ho niente nel cervello. Faccio pagar caro, specialmente le pensioni, Gastone, Gastone. Depuis 30 ans que je rencontre le public, les réactions sont les mêmes. On m'appelle Albertone, et je suis un mari, un ami, un frère de la famille. Vous savez, je suis entré à disposition de le public, et c'est une confiance que le public il a avec moi, et les réactions sont toujours les mêmes. Je rencontre des personnes que je n'ai jamais vues, mais pour ces gens, je suis tout, un ami, une fille, un parent. Alors on me parle comme un parent. Albertone me pousse la main sur la... Je suis Albertone pour le public. Je me sens un serviteur de le public. Et la première chose que je sens, si c'est un plaisir pour le public que je représente cette histoire, ce personnage, ou non. Ça, c'est le principal. Je n'ai jamais écouté des intellectuels, des personnes qui militent dans tout petit, ambiance, etc. Non. Je sens seulement le public. Et je fais tout pour le public. Pour la nouvelle génération, je dis qui il veut militer dans les gens que je fais. Il manque l'école de ça, que c'était cette théâtre légère, le musical, la revue, les variétés. On ne fait plus, on fait des cabarets maintenant, mais le cabaret, ce n'est pas un public du théâtre, vous savez. Alors, on ne s'élève pas une nouvelle génération de comiques, parce qu'on n'a pas cette école. Si les comiques, on avait ce théâtre, ils commençaient vraiment à savoir qu'est-ce que c'est le public, servir le public. Et quand on représente dans un film des personnages, il sait comment il doit représenter cette situation, ce dialogue, qu'est-ce qu'il doit faire. La meilleure école, selon vous, c'était le musical? Oui, c'est les variétés. Parce qu'on ne peut pas dire à un comique qu'est-ce qu'il doit faire pour faire rire le public. Il doit lui-même, instinctivement, savoir ça. Et la pratique pour arriver à un vrai professionniste comique, c'est ce spectacle. Ça, c'était une grande école qui en forme vraiment un comique. Io sono un creatore, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi, per me io sono molto ricercato nel parlare, nel vestire, ricercato dalla questura. Sono un grande musicista, canto, ballo, trasporto, Gondran mi voleva. Come musicista dovevo andare a Londra, dovevo musicare l'orario delle ferrovie e poi sono grande nella dizione. Sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Voltare il disco che vi darò un saggio della mia dizione. Tognazzi, quand vous le suivez à travers tous ces films, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il incarne surtout un Italien lâche, gourmand, lubrique, paresseux. Toutes ces qualités, si je veux dire, sont combinées en doses plus ou moins égales, hein. Et tantôt on assiste sur un aspect, tantôt sur un autre. Mais constamment, c'est le même personnage que vous voyez. Prenez par exemple le téléphone blanc. À un moment, Tognazzi joue le rôle. Il a un rôle atroce, mais un rôle atroce, ça se passe pendant l'occupation allemande. Et il joue le rôle d'un dénonciateur. Il vend ses compatriotes pour de l'argent. Et il vend. Eh bien, il faut tout le génie de Tognazzi pour faire admettre un personnage pareil. Il est tellement méprisable, d'ailleurs, qu'à un moment, un type de la Gestapo allemande lui donne de l'argent, et puis il est tellement dégoûté par l'homme qu'il fait exprès d'envoyer l'argent par terre, n'est-ce pas? Et alors, Tognazzi se précipite pour le ramasser, et à ce moment-là, le type de la Gestapo lui écrase la main. Alors il crie, maman, ça lui fait horriblement mal, mais il ne lâche pas l'argent pour autant. Il serre. La scène est horrible. Il serre l'argent. Il souffre parce que la botte de l'Allemand lui écrase les articulations. C'est ça. Alors, mais. Alors finalement, l'Allemand retire la botte et il reprend. Il a toute la main ensanglantée, vous voyez bien. Mais il a l'argent dans la main. Et il la met dans sa poche et il salue bien bas. Bah écoutez, il faut tout le génie d'un grand acteur pour incarner tout ça. C'est un rôle atroce, hein. Ça, on n'a pas, il n'y a pas l'espérance d'un moindre sympathie du public pour un personnage pareil. C'est un personnage monstrueux. Mais il est quand même comique. Dans la monstruosité, dans la laideur morale, dans l'ignominie, ben, il atteint un comique souvent incroyable. Et c'est ça le tas. C'est ça que j'admire chez Tognazzi. Aucun acteur français ne ferait une chose pareille. Thank you. bisogna incontra cuore, ti senti triste e povero, se la vita è senza amore, prendi la fisarmonica, fai dischiudere un balcone, e una bella signorina canti una canzone su per giù così. Le cinéma italien aujourd'hui, comme nous pouvons l'apercevoir en France, on commence à le connaître mieux. On sait que l'une des dernières découvertes des dernières années, ça a été l'existence de ce qu'on appelait un peu dédaigneusement la comédie dialectale ou le croquis dialectal des années 50 et dont on s'est aperçu qu'il avait donné lieu à des œuvres remarquables. Eh bien, cette floraison de comédie dite dialectale était la réponse de l'après-guerre, une réponse finalement très, très saine, très normale et très progressiste, en dépit des apparences de conservatisme, à la tentative mussolinienne pour non seulement centraliser le cinéma italien à Cinecittà, ce qui était un problème d'infrastructure économique, mais également pour interdire l'emploi des dialectes italiens à l'écran, bien sûr, mais surtout, puisqu'on était quand même presque à l'époque, disons, dans le démarrage du cinéma parlant, surtout au théâtre. Bon, or, le cinéma comique italien dérive entièrement, essentiellement, du théâtre comique italien. Les grands comiques italiens, les grands acteurs comiques que nous connaissons maintenant en France, n'est-ce pas ? Je ne parle pas seulement de Toto, qui est d'une gloire posthume, mais Sordi, Manfredi et quelques autres qui sont bien vivants, viennent tous du théâtre, continuent à le pratiquer assidûment. Il s'agit d'un théâtre qui est à mi-chemin entre le théâtre de boulevard et le music hall, avec cette différence qu'il s'agit d'un boulevard vivant, non rassis, non endormi, et qui se renouvelle perpétuellement. Eh bien, cette vie théâtrale qui a engendré le cinéma comique italien, cette vie théâtrale a donc été brisée par Mussolini, ou tout au moins le fascisme a essayé de la briser, en lui interdisant sa diversité dialectale, sa diversité locale, qui faisait qu'il y avait un théâtre napolitain spécifique, un théâtre romain, et même un théâtre toscan, qui automatiquement aurait dû déboucher sur des films reflétant, sur des variétés provinciales de cinéma, reflétant cette variété théâtrale, évolution qui s'est produite, mais qui s'est produite en quelque sorte après coup, c'est-à-dire lorsque, après la guerre, il a été de nouveau possible de parler dialectal, de parler napolitain, de parler romain et même de parler toscan sur les théâtres populaires, le cinéma a reproduit cette explosion qui était une forme de libération. On a souvent opposé autrefois, et même encore récemment, le néo-réalisme au cinéma dialectal, mais en fait les deux phénomènes étaient complémentaires. Le néo-réalisme, dont on sait aujourd'hui que ses origines sont essentiellement économiques et que c'est la pénurie de moyens qui a obligé les gens à descendre, tourner dans la rue, était en même temps naturellement un effort de reprise de contact avec la réalité italienne, en opposition au cinéma mussolinien, qui était un cinéma non pas seulement d'évasion, mais un cinéma de fausseté, puisque il n'essayait de présenter, les réalisateurs ont pris souvent des libertés d'ailleurs avec le genre qui semblait devoir régner à l'époque, mais ce cinéma était quand même un cinéma, disons, très aseptisé et qui décrivait essentiellement une bourgeoisie plus ou moins imaginaire. En opposition à cela, le néo-réalisme a essayé de reprendre contact avec la réalité italienne, mais la comédie dialectale a fait exactement le même travail. Elle reprenait contact avec une réalité déjà filtrée par le théâtre dialectal, le théâtre populaire, mais ce théâtre populaire plongeait lui-même ses racines dans le terreau d'une culture populaire dont je ne crois pas qu'il y ait, il faut appeler les choses par leur nom, d'équivalent dans le reste de l'Europe, et qui est à la fois très diversifié et en même temps très, très unifié, puisque l'expression de comédie à l'italienne est une expression presque péjorative que les Italiens eux-mêmes emploient en plaisantant, qui donc montre l'unité retrouvée à travers la diversité des parlers locaux. Via, per annos attorno. L'expression de dialectal correspondait effectivement pour désigner la comédie à une réalité qui dépasse presque l'emploi du dialecte, car il faut entendre par là aussi bien sûr la diction de l'acteur, les tournures verbales propres à telle ou telle province, mais aussi bien une sorte de gestuelle, d'ensemble de traits typiques des personnages, ce qu'on appelle en Italie la recitazione. La recitazione, ça n'est pas exactement la diction. Ça n'est pas non plus l'interprétation, le sens serait trop vague. C'est le rapport qu'il y a entre la manière dont le personnage parle, ce qu'il dit, donc sa diction, et l'ensemble des traits typiques de sa personnalité physique, ses autres expressions. Il s'agit donc d'une sorte de répertoire d'attitudes, de traits caractéristiques qui, chaque fois, donne au spectateur l'indication du peuple, en effet, si l'on peut employer cette expression, de la province dont le personnage est issu. Bien sûr, les exemples sont plus faciles à trouver dans la comédie. On sait qu'un personnage qui vient de Bologne, non seulement aura un accent particulier, mais sera gourmand. Bologne est une ville de gourmets, se reconnaît comme telle et se revendique comme telle. Et qu'il aura en même temps un côté assez sérieux d'homme d'affaires, peut-être à cause de la fameuse faculté de droit de Bologne, n'est-ce pas, et de sa tradition historique, car tout cela repose sur des usages qui ne sont pas tellement récents. Il est très facile de retrouver à travers la diversité des personnages de la comédie dialectale d'aujourd'hui, la diversité dialectale, elle aussi, des personnages de la Commedia dell'arte, qui ont chacun leur origine typique et leur origine populaire, enracinée dans un coin particulier de l'Italie. La commedia dell'arte, c'est une définition d'abord qui a été donnée à partir de 1550. Elle servait surtout à définir les acteurs de métier, les comédiens de métier, d'autres comédiens qui jouaient, eux, dans les représentations théâtrales écrites, littéraires, à caractère religieux souvent, et d'ailleurs qui ne jouaient que dans les églises ou bien dans les palais. Les comédiens de l'arte, au contraire, étaient les héritiers des atellanes romaines. Et c'était tout un théâtre qui jouait autour de certaines déformations théâtrales à plus proprement parler, c'est-à-dire ne se servant pas d'une structure donc écrite, mais qui improvisait beaucoup. Les deux caractéristiques fondamentales des comédiennes de l'art étaient justement le masque et l'improvisation. Le masque, il s'agissait d'un masque de cuir qui épousait assez étroitement la forme du visage de l'acteur, et il servait surtout à permettre au public d'individualiser très vite la donnée comique qui devait dégager de ce masque. Il avait en somme une fonction évocatrice, mais pas une fonction déterminante dans le jeu de l'acteur. Ces acteurs, on les appelle effectivement des acteurs à improvisation, mais l'improvisation est tout à fait relative. En fait, ils avaient des canevas, des règles de jeu très précises et très écrites, à partir desquelles ils innovaient chaque soir en fonction du courant politique, en fonction de l'actualité et des pouvoirs contre lesquels ils voulaient se battre, en fait. Disons que ça faisait fonction d'âme collective, il ramassait toutes les instances populaires qui ne pouvaient pas être exprimées dans des juridictions extrêmement lourdes et puissantes, et c'était la voix de l'acteur qui proposait en comique ces instances. D'ailleurs, la plupart des comédiens, qui étaient très mal vus par le pouvoir, ils étaient très souvent en prison, étaient des marginaux, ne serait-ce que par le fait qu'ils étaient régulièrement excommuniés. Cette improvisation était une longue habitude, une longue complicité entre acteurs. Les compagnies, d'ailleurs, étaient toutes formées par des dynasties familiales. Et c'était un entraînement constant de langage entre... Donc, l'improvisation est tout à fait relative dans ce sens. Et ils créaient, par contre, des boutades et des lazzi. C'était une structure ouverte, en tout cas. Il était toujours possible de la contaminer régulièrement par effectivement des propos politisés, extrêmement politisés, soit contre le pouvoir public, soit contre l'Église en particulier. Le public a subi aussi des modelages par rapport aux différents moments de développement de la commedia dell'arte, puisqu'il y a trois moments essentiels dans la commedia dell'arte. Le public effectivement évolue en fonction et fait évoluer aussi la forme comique de la commedia dell'arte. Les premiers publics étaient des publics de foires ou de marchés, qui se formaient, se regroupaient autour des églises, pas à l'intérieur des églises bien sûr, mais toujours à l'ombre, si vous voulez, des églises ou des palais. C'était sur les places publiques. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans le public, et c'est une tradition qui s'est continuée longuement en Italie, en tout cas jusqu'aux formes qui sont les héritières de la commedia dell'arte, c'est-à-dire l'avant-spettacolo et la revue, c'était toujours un public extrêmement cruel, très méchant, et qui exigeait le maximum des acteurs. Totò è morto Diocleziano. Castellani. Ma sì, Totò. E quando è successo? Castellani. Ma 2000 anni fa. Totò, come passa il tempo? Totò commence par jouer dans des comédies de Scarpetta à Naples, et ensuite il arrive à Rome. Mais à Naples, il a eu déjà le temps de voir un très grand maquettiste. Maquettiste, c'est un personnage très typique du théâtre et qui vient aussi de la commedia dell'arte et qui sert à remplir des vides de façon comique. On pourrait l'appeler, par une mauvaise traduction en français, le chansonnier, mais il faudrait vraiment songer alors à Dranem ou à Fernandel ou à Rému dans leur première période et qui ne sont pas effectivement documentés cinématographiquement. Alors l'intéressant chez Totò, c'est pourquoi c'est une grande source d'études, c'est qu'il a quand même filmé, il a beaucoup joué au cinéma, et donc on peut retirer des enseignements assez essentiels, je trouve, de son art théâtral. Je ne sais pas si Totò a un personnage précis, en tout cas, disons que c'est un clown qui a longuement médité les possibilités de son corps et toutes les dévastations que son corps peut subir. Et à partir de ce moment-là aussi, les mimétismes possibles, non pas avec un corps humain, mais avec des corps animaux, ou autres en tout cas. Ce qui est important, je crois, chez Totò, c'est qu'il réussit à faire vivre à son physique la cadence de l'imaginaire, et pas du tout celle de la réalité en tout cas. Physiquement, Toto est capable de beaucoup de performances. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que très souvent, il sauve tout un sketch qui a des intentions naturalistes au départ ou réalistes. Il les sauve uniquement par l'absurdité de sa posture physique, en tout cas. Par exemple, on le voit dans un film où il est saisi sur le moment de voler un œuf et on lui demande l'origine de cet œuf. Et au lieu d'avouer le vol, il dit « je l'ai fait ». J'ai fait cet œuf et on lui intime immédiatement de pondre un œuf et il se met effectivement à pondre un œuf. Avec toute la dose de caricature que cela implique, bien sûr, et de paradoxe et de complicité avec le public. Il y a un autre jeu physique chez Toto, lequel est capable de se déstructurer d'un squelette et d'être absolument une marionnette, comme dans un sketch très célèbre de Pinocchio. Ou bien de Roland Curieux, où il arrivait absolument à se désarticuler. Sa tête arrivait d'une épaule à l'autre avec beaucoup de facilité. Il pouvait arcuer et faire rebondir son corps dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans toutes ces données, c'est que la bravoure n'est pas une finalité en elle-même, mais elle renvoie toujours constamment à la possibilité du public de pouvoir interpréter cette bravoure. Une brosse ne lui servait pas seulement à brosser son chapeau, mais à se brosser les cheveux, les dents, les ongles, pour finir bien sûr par les chaussures et la jaquette. Après quoi, il l'en mettait dans sa poche imperturbable. Avec un chausse-pied, il enfilait son chapeau, ses gants, sa veste, tout. Il utilisait un marteau au moment les plus imprévus pour enfoncer un clou, naturellement et normalement, mais aussi, pourquoi pas, dans une discussion ou une conversation. Toto se sert de son visage en opposition, peut-on dire, avec son corps, et parfois à la place du geste. Ainsi, le visage devient masque. Lui-même se définissait comme cousin de Polichinelle et neveu d'Arlequin. Et je crois que l'assimilation de Toto à Polichinelle est juste et qu'elle est même profonde pour deux raisons. D'abord parce que Polichinelle appartient à toute une tradition du théâtre populaire, italien et français aussi d'ailleurs, enfin italien surtout, du théâtre populaire et du théâtre de marionnettes. Et Toto a été, comme le dit un de ses commentateurs, une marionnette désarticulée. Je crois qu'on pourra revenir d'ailleurs sur cet aspect du personnage. Et puis, l'autre aspect donc de Toto, qui se rapproche de Polichinelle, c'est l'importance chez lui du mime, de toute la gestuelle. Polichinelle, donc, rattache bien Toto à toute une tradition populaire. Je crois que ça, c'est très important. Quand on a découvert la comédie italienne en France, enfin, quand on l'a redécouvert, hein, puisqu'on l'a vu pas mal de films italiens dans les années, en gros, 55-60, même un peu avant 50-60, puis il y a eu toute une période de creux au cours desquels on n'a pas vu de comédie italienne, et depuis 4 ou 5 ans, la comédie italienne est à la mode. Mais on a eu très peu de contact avec le substrat de la comédie italienne, qui était justement le théâtre, et plus particulièrement des formes populaires du théâtre. Donc Toto, lui, a œuvré dans ce cadre-là. Il s'est voulu sans choix, d'ailleurs, car quand Toto parlait de son comique, il ne semblait pas qu'il y avait de recul, disons, par rapport à lui-même. Il était plutôt un comique d'instinct. Tous les témoignages, d'ailleurs, disent bien qu'il répétait très peu, qu'il n'aimait pas écrire, qu'il avait besoin d'être sur scène et de se lancer. Et il lui suffisait du contact avec le public, avec la scène, pour improviser, à partir d'une observation, bien sûr, mais pour improviser et être très efficace. Mais il n'empêche que tout ce théâtre a nourri la comédie italienne, et dans le cas de Toto, alors plus particulièrement la tradition napolitaine. Puisque Toto donc est napolitain, il est né dans une petite rue de Naples, d'une famille, disons, moyenne, et il est mort à Rome, mais il a été enterré solennellement à Naples, et son enterrement a provoqué vraiment... vaste cérémonie, mouvement de foule divers, enfin c'était le héros napolitain. Et il y avait à Naples, en dehors donc de la tradition plus généralement italienne du Polichinelle, il y a une tradition qui est celle de la maquietta. Les maquiettés sont des petits sketchs, plus portés donc sur le mime que sur le texte. Et Toto lui-même racontait que lorsqu'il était jeune, on invitait pour l'après-midi, comme ça, ou pour les noces, pour les banquets, on invitait un maquettista à venir pour représenter un petit sketch, pour mimer surtout une scène. Et ces scènes étaient en général des scènes de la rue, des scènes observées, des scènes de la vie quotidienne. Donc elles étaient à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, proches du mime, et enfin... dépendantes du mime même, et en même temps, elles étaient toujours liées directement au public, de deux façons d'ailleurs, au public, puisqu'on présentait des scènes que le public pouvait observer, à partir desquelles on avait construit du comique, et en même temps, elles dépendaient toujours des réactions du public. C'est la maquietta est proche de la commedia dell'arte, et c'est toujours la tradition, je crois, essentielle pour comprendre le cinéma italien et les acteurs italiens. Il y a dans les divertissements dansés qu'on lui compose, dans les costumes insensés dont on l'habille, quelque chose du grand siècle, et son art du ballet est sans un seul défaut. On dit qu'un jour, Toto s'était foulé la cheville, alors que sur le plateau, tout était prêt pour un numéro de danse échevelée. Pour ne pas faire perdre quelques millions à son producteur, Toto décida de danser sur un pied. Et il improvisa, sur ce terrible handicap, une danse si irrésistible qu'on en parle encore chez Rosati comme de la merveille du siècle. Son exhibition dans la rue pour l'inauguration d'un magasin dans l'heure de Naples est un triomphe de retenue. Il lui suffit de remuer un doigt de pied pour que l'équivalent d'un entrechat se révèle inutile. Il imagine une niche, un balcon, une lucarne, où il puisse montrer le visage et les mains et pasticher la marionnette sicilienne. Dans Toto Check, il se fait enterrer jusqu'au cou pour pouvoir grimacer à l'approche perfide d'un moustique. Il fait de son physique lunaire un usage résolument agressif. Sa triste mine de valet enfariné peut d'un seul coup se strier d'un sourire avantageux, assassin, et dans les scénarios qu'il imagine lui-même, sa laideur attire et fascine les jolies femmes, comme l'Apollon du Belvédère. Je crois qu'on peut distinguer deux étapes quand même dans le dessin de Toto, tel que nous le connaissons par le cinéma. Une fois encore, Toto se voulait d'abord un homme de théâtre, formé et rompu aux revues de variété et aux numéros de mime et d'imitation. Il n'est entré au cinéma qu'assez tard, finalement, et il n'a fait que peu de films, enfin, d'après ce que l'on peut en juger, mais en France, il n'a fait que peu de films de très grande valeur, si on met à part son propre personnage. Alors, dans une première partie, disons au cinéma au moins, jusque dans les années, à peu près jusque dans 1950-51, Toto est avant tout le personnage qu'il était à la scène, c'est-à-dire d'abord, je crois, un personnage qui a un costume, il avait une espèce de jaquette et presque toujours un chapeau, un costume qui est un mélange de costumes un peu chic et de costumes, disons, d'homme de la rue. Ensuite, il a un langage qui est un langage mélangé, d'une part, un dialecte napolitain, d'autre part, un langage souvent qui caricature le langage intellectuel ou snob, et dans ce domaine-là, certains linguistes estiment que Toto a joué un rôle important parce qu'il a, d'après eux, aidé le public à prendre conscience du caractère creux de ce langage, le langage d'Annunzien, le langage snob et le langage pseudo-scientifique. Et Toto, dans ses sketchs, et même au cinéma, déforme souvent des mots. Il ira même jusqu'à inventer, d'ailleurs, des mots qui sont passés dans le langage courant italien. Lui-même était passionné de philologie, enfin, il s'intéressait surtout à l'étymologie des mots apparus en italien dans les 20 premières années du siècle. C'était l'un de ses rares dadas que cette recherche de l'étymologie. Sur scène, au cinéma, il a donc comme élément particulier ce comique du langage. Sinon, son personnage, c'est aussi un personnage qui dépend de son physique. C'est là où l'on retrouve la marionnette désarticulée. Un critique disait que Toto jouait avec ses os. Il pouvait effectivement se désarticuler complètement. Toto était donc un mime, et un mime en particulier. Alors là, c'est un élément aussi de la tradition napolitaine, un mime avec les yeux et avec les mains. Il a eu un très gros succès dans une revue des années 40 qui s'appelait Messalina, en mimant uniquement avec les yeux et les mains un feu d'artifice complet. Il mimait également un orchestre, à la fois le chef d'orchestre, puis tous les instruments, et enfin l'ensemble de l'orchestre dirigé par le chef d'orchestre. Et tous ces éléments-là ont été plus ou moins utilisés dans les films d'ailleurs, malheureusement pour nous semble-t-il, mais ils font partie du personnage, de son comique. Sur le plan social, alors avant les années 50, il ne semble pas qu'il y ait eu chez Toto d'intention satirique très précise. Bon, il avait inventé une phrase qui donnait le titre d'un film, après avoir été dit d'un sketch, qui est « Sommes-nous des hommes ou des caporaux ?» Et il semble avoir inventé pendant la guerre de 14. Et la notion de caporal était, disons, une notion très extensive. Elle comportait, bien sûr, tous les chefs, les notables, elle comportait les prêtres, elle comportait les bourgeois, elle comportait tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, s'arrogeaient un pouvoir sur les autres. Et c'est en ce sens-là, je crois, que Toto créait ses personnages. Son personnage, c'était quand même toujours un personnage du sous-prolétariat, un personnage donc de la rue, pauvre, connaissant une vie difficile et qui cherche à se débrouiller et qui se venge souvent des difficultés de la vie en riant. Et sa philosophie, c'est d'abord justement celle du n'importe qui, c'est-à-dire qu'il cherche à se débrouiller, à vivre, à se nourrir. La nourriture a souvent un rôle très important chez Toto, dans Misère et Noblesse, l'un des rares films de cette époque-là qu'on avait vu en France ces dernières années, puisqu'il n'était pas sorti. Dans le film, il n'a pas le rôle principal à proprement parler, il est le membre d'une famille qui est amenée à jouer toute une comédie, à utiliser tout un stratagème pour une raison de mariage. Et lorsque, enfin, Toto peut manger, on lui sert dans l'espèce de mansarde où toute la famille y habite, grands-parents, parents, enfants, oncles, etc. On sert un magnifique plat de spaghettis, la famille meurt de faim depuis longtemps, et Toto commence à baffrer les spaghettis, et sans explication, mais on comprend que c'est par crainte d'en manquer, il finit par monter sur la table, danser avec toute la famille, et il continue, pendant que la famille danse, de se bourrer les poches de spaghettis en réserve. Dans la structure de misère où vivait Naples, si vous voulez, le polichinelle, le masque napolitain, est 10 fois plus cruel et cynique que Harlequin. Et ce masque de polichinelle a été entièrement repris, non seulement par Toto d'ailleurs, mais aussi par De Marco ou par Viviani. Et ils en ont acquis effectivement non seulement la structure physique, mais aussi la structure mentale, c'est-à-dire c'est un masque qui est absolument dépourvu de moralité, de scrupules, de conformisme. Il n'a aucune obéissance aux normes légales ou religieuses. Il n'hésite pas à tuer son frère ou sa mère pour pouvoir manger. Ce qui est important, c'est pouvoir manger. Et pour arriver à ce but, aucun obstacle, rien ne fait obstacle en fait. Alors à partir des années 50, le comique de Toto, disons, a légèrement évolué en même temps qu'évoluait l'ensemble du cinéma comique italien. Sous l'influence du néo-réalisme, Toto a été un des premiers, avec un film d'ailleurs de Eduardo De Filippo, qui est lui-même napolitain, auteur de théâtre, on connaît en France surtout sa pièce Sacré Fantôme, mais Eduardo De Filippo a été acteur, auteur, metteur en scène. Et dans un film qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle Naples millionnaire, on a vu intégrer pour la première fois les éléments du néo-réalisme que l'on connaît par les films de Rossellini en particulier, donc le décor sordide qui n'est plus le décor du théâtre mais qui est le décor de la rue, les difficultés quotidiennes, mais on les a vus intégrer dans une trame comique. Et sans qu'il y ait eu d'évolution nette, car Toto dépendait énormément des conditions de tournage, il y a eu quand même une sorte d'évolution qui a rayonné à partir des films de Toto, car ces films avaient un gros succès, sur l'ensemble de la comédie italienne, une évolution qui orientait le personnage. Il est devenu, disons, un peu plus petit bourgeois, en même temps que la société italienne évoluait, se remettait de la guerre. L'écorce petite bourgeoise a recouvert le cœur napolitain. Alors le personnage, peu à peu, a manifesté quand même un certain nombre de penchants, disons plutôt petit bourgeois, un goût pour le décorum. Lui-même, parmi les rares passions de Toto, il y avait le goût des très grands appartements. Sa seconde femme, Franca Fallini, raconte qu'il aimait beaucoup les grandes maisons, et quand il était dans des hôtels, il voulait les grands hôtels pour avoir de très grandes pièces. C'était un de ses plaisirs. Lui qui était sinon assez économe, assez réservé, il aimait les grandes maisons. Donc on trouve un goût du décorum, on trouve une défense de la famille en tant que telle, on trouve cet individualisme, disons, justement du qualunquisme, qui consiste à défendre tout ce que l'on a acquis, un petit domaine dont on ne sort pas. Toto n'a pas eu, je crois, d'imitateur, lui-même n'a imité personne. Et c'est aussi un point important pour expliquer le courant, disons, qui est particulier à l'Italie dans le domaine du comique et des acteurs. Toto n'a, à proprement parler, reçu aucune influence extérieure. Il n'a pas cherché à imiter Chaplin, il n'a pas cherché à imiter Laurel et Hardy, même s'il a pu citer une ou deux fois Stan Laurel pour certains traits comiques. Mais dans l'ensemble, Toto était complètement autonome et il appartenait à cette tradition théâtrale constituée en gros par deux éléments, les revues de variété, Sordi, lui aussi, a commencé par ses revues de variété, et il en a fait pendant à peu près toute la guerre, dont les deux grandes revues Zaboum, mise en scène par Mario Mattoli, qui était un metteur en scène de cinéma, avant la guerre surtout de comédie sentimentale, et ensuite Mattoli est devenu un des metteurs en scène attitrés de Toto. Et Sordi, donc, avec une trentaine d'années de décalage, mais il a été formé de la même façon. Les revues, fondées sur le mélange de chant, de danse et de sketch comique, les meneurs de revues, en général, étaient à la fois metteurs en scène, auteurs des sketchs, directeur de la troupe et acteurs principaux. Toto a exercé ces fonctions-là pendant un temps assez long. Sordi a co-dirigé trois troupes de théâtre avec des partenaires différents. En général, c'était la femme, la meneuse de revue qui, elle, jouait sur la beauté physique et sur le chant ou la danse. Et le meneur de revue, donc, était plutôt le comique. Sordi, lui, avait commencé dans les petits rôles, bien sûr, les rôles plus effacés. Il était le jeune homme chic, stylé, comme on disait en italien, qui apparaissait en frac, et pendant longtemps, il a eu ce personnage. C'est toute une école. Donc, c'était là toute une tradition. Je répète, à caractère comique, avec aussi toutes les nécessités des représentations, disons, improvisées. Car dans toutes ces revue, il y avait une trame plus ou moins solide, des répliques écrites à l'avance plus ou moins drôles. Toto a longtemps travaillé avec Michele Gardieri, qu'il a reconnu comme étant le meilleur auteur qui l'ait soutenu au théâtre. Mais en réalité, c'était souvent les acteurs eux-mêmes qui improvisaient. Sordi a presque toujours, dans ses revues en tout cas, et plus tard au cinéma, le plus souvent possible, en tout cas Sordi a toujours écrit ses textes lui-même. Donc l'école était une école d'invention comique, de mime, de chant, de danse. Elle était un entraînement permanent et il fallait en outre savoir toujours s'adapter au public. Alors ça, c'est une tradition qui explique, je crois, la formation de ces comiques. L'autre tradition qui rejoint la précédente, c'est celle de ce qu'on appelle en italien l'avanspettacolo. C'était en fait les intermèdes que l'on a connus en France au moins jusqu'à la guerre. Même après les intermèdes ou les spectacles qui précédaient les films. Odiava il Dio, non potevo odiare l'F, il P, il Q, l'R, l'F, il T, invece no, lui odiava il Dio. La prima volta che io vidi Olanda, la guardai negli occhi suoi che sono tanto belli, allora io portavo il giusto cuore di velluto che lo si metteva chi di dietro per aggiustare il come si chiama, perciò lo chiamarono giusto cuore. Vidi Olanda, le disse, Olanda, vogliamo fare una partita a scacchi? Ma sì, facciamo scacchi, mi disse lei, poi ci siamo fatti la prima partita, poi la seconda, poi la terza, poi se ne siamo fatte tante di partite a scacchi, sai come sono quelle cose lì, che io non vedevo altro che scacchi intorno a me. Oh Yolanda, oh dolce nome, che significa viola, violetta, violino, violoncello, antimandola, mandolino, chitarrone. Oh Yolanda, oh donna amata, oh viola, violata, oh gentil violazioni, oh guardo gli occhi tuoi che sono tanto belli, stretta la foglia e larga la via, dite la vostra che ho detto la mia. Yolanda. L'avanspettacolo né in Italia vers 1930, e c'est une forme moyenne entre le cinéma et le théâtre. En fait, on présentait des films qui étaient tous muets à l'époque, avec des musiques, et entre un spectacle cinématographique et l'autre, et le suivant, il y avait des formes, donc, des formes théâtrales, ou avec très composites, avec des ballets, et les acteurs étaient pratiquement tous spécialisés dans un genre très particulier. Il y avait ce qu'on appelait en Italie la soubrette, qui prend le nom de la commedia dell'arte où les soubrettes étaient des servantes, mais en fait la soubrette dans le théâtre d'avant-spectacle italien devient la vedette. Il y avait des danseuses, et à l'intérieur de ce petit spectacle, on composait aussi une petite comédie, qui elle aussi n'avait pas de structure très fixe, elle était absolument ouverte. Il n'y a qu'à songer par exemple à un sketch de Toto qui s'appelle le Wagon Lee. La première fois où il a joué, ce sketch durait 10 minutes, Et il est arrivé au bout de sa carrière, en jouant presque toujours ce sketch, le wagon-lit, il arrivait à couvrir 50 minutes de spectacle rien qu'avec ce sketch. Toto, par exemple, a longuement travaillé dans l'avant-spectacle avant d'avoir une compagnie à lui de musical, de revue, et dans laquelle il faisait le théâtrale. Le théâtrale, c'est effectivement celui qui régissait comiquement tout l'avant-spectacle, et il avait effectivement une part très importante dans ce sens. Et le public, effectivement, de l'avant-spectacle est un public composé surtout par des militaires ou des gens qui ont travaillé toute la journée et qui vont au théâtre non pas pour des ambitions culturelles ou intellectuelles, mais vraiment pour s'amuser au sens théâtral du mot. Donc ce théâtre n'est pas démuni d'une série de ce qu'on pourrait appeler dans le théâtre noble, d'une série de vulgarités, de facilités aussi. Mais on demande surtout à l'acteur une performance à la fois physique et mentale qu'on ne demande pas du tout à l'acteur qui sort d'une académie, en fait. Où l'acteur qui sort d'une académie impose ses règles au spectateur, tandis que dans la comédie d'avant-spectacle, c'est toujours le spectateur qui impose ses propres règles à l'acteur. Et c'est à l'acteur de déjouer, si vous voulez, la forteresse que représente le spectateur, l'ensemble des spectateurs. C'est toujours un rebondissement de coups de, on pourrait les appeler de génie, mais de surtout des rapidités. Ça se joue sur des variations de temps. Il s'agit d'attraper la défaillance du public à un moment donné et de la transformer en comique. Les cas typiques, exemplaires, enfin, de ce genre de théâtre étaient ceux de Pedrolini, par exemple, ou même de Toto. Et il arrivait souvent que des gens arrivent en retard. Alors, Pedrolini arrêtait tout le spectacle et il commençait par réexpliquer tout ce qui s'était passé au retardataire. Très souvent, il y avait beaucoup de bruit dans le poulailler, par exemple. Alors, il n'attaquait pas les gens qui faisaient réellement du bruit, mais leurs voisins, en disant qu'ils auraient dû projeter dans la salle le type qui était à côté d'eux, parce qu'il ne leur permettait pas d'écouter le spectacle. Et ainsi de suite. Il y a un gag très célèbre de Toto, par exemple. Un soir, il y a le défilé final des danseuses, et une danseuse tombe sur le tambour. Enfin, c'est vraiment un accident de scène. Toto, comme si de rien n'était, dit, s'adressant au public, elle a vraiment mieux fait hier. Lei mi mostra la sua torre, io l'alfiere metto in ballo, spingo avanti e soffrire. Al mio soffio raffreddato esce il re con due pedoni. La regina ha minacciato di mangiar l'alfiere e il re. Per tirar la torre in ballo, tre pedoni allor le mostro. Ma quel ciuco di cavallo nel schiaccia tutti e tre. Cette double tradition donc des revues de variété et des avant-spectacles a, je crois, formé ces acteurs d'une autre manière. Elle les a formés par le contact permanent avec le public. Je le disais tout à l'heure, pour plaire à ce public qui est un public très populaire, il fallait lui parler un langage, lui représenter des scènes qui le touchent directement. Et Sordi explique par exemple qu'il n'a jamais joué, ni au cinéma, ni sur scène, ni à la radio, un personnage qui n'ait pas été immédiatement reconnaissable par le public, un personnage dans lequel les gens ne se soient pas immédiatement projetés. Sordi commence de se manifester au cinéma tout de suite. Avant la Seconde Guerre mondiale. Sordi, donc, a vécu dans une époque différente. Il a vécu une carrière un peu différente. Il a aussi une personnalité différente. Toto écrivait, bon, pour lui, mais n'était pas vraiment intéressé par le fait d'écrire. Ce qui explique que dans ses films, il se soit laissé complètement dominer par la mise en scène, dominé par les scénarios qu'on lui proposait, et qu'il ne cherchait pas, proprement parlé, à réécrire. Sordi, au contraire, très tôt a écrit, et a écrit pour lui. Tout de suite après la guerre, alors qu'il n'avait fait qu'une carrière de comédien de cinéma sans beaucoup de gloire, il reconnaît d'ailleurs lui-même, Sordi a cherché comment se relancer comme acteur. Et le meilleur moyen à ce moment-là, celui qui offrait le plus de possibilités compte tenu de l'état économique de l'Italie, c'était la radio. Donc pendant 3 ans, il a jouer un personnage qu'il avait inventé lui-même à partir de rôles qu'il a joués un petit peu auparavant. Il est entré à la radio vers 46. Pendant une année environ, il a joué des rôles écrits par d'autres pour lui auxquels il collaborait, mais dans une des émissions qui n'étaient pas la sienne ou les siennes. Et ensuite, il a réussi à faire admettre le projet d'une émission, et pendant 3 ans, il a été l'organisateur complet. C'était lui qui chantait la chanson du début, qui était l'indicatif de l'émission. C'était lui qui faisait tous les rôles. C'était lui qui écrivait, bien sûr, les sketchs. C'était lui qui faisait les bruitages. Il était l'homme orchestre. Et il a continué ensuite. Quelque temps après, il a rencontré un scénariste, Rodolfo Sonego, et ils ont collaboré ensemble après, pendant une 20aine d'années, Sordi, le plus souvent possible, écrivant. Et puis il est devenu réalisateur de films. Il a écrit maintenant, il a réalisé, écrit et réalisé 8 ou 9 films selon qu'on compte les sketchs dans certains films. On n'en a vu qu'un film en France et qu'un court-métrage. Mais de plus en plus, Sordi s'oriente vers la réalisation de ses propres scénarios. Donc il y a une personnalité là très différente qui entend maîtriser les éléments, jouer sur l'écrit, et beaucoup plus que ne le faisait quelqu'un comme Toto. Et puis alors, sur le plan du contenu, alors évidemment, le personnage de Sordi est quand même différent. Le personnage de Sordi, lui, a évolué. Bon, au début, il est souvent les jeunes premiers, comme il était sur scène, sans beaucoup de style, et même les séducteurs. Quand on voit les photos des films de l'époque, on comprend d'ailleurs qu'il ait pu jouer les séducteurs, et il ne manifeste pas d'autres talent, disons, à ce moment-là. Dès qu'il commence soit d'écrire, soit de collaborer plus librement avec des metteurs en scène, Sordi manifeste, je crois, ce qui caractérise son comique, c'est une identification complète avec, disons, l'italien moyen de l'époque où il réalise le film. Alors, dans les années, disons, de 50 à 60 environ, Sordi cherche à construire un peu ce personnage, et quand on rapproche les scénarios des films qu'il interprète de la situation italienne d'une part, et d'autre part de lui-même, de sa propre vie, on découvre qu'il arrivait à glisser beaucoup d'éléments proches de lui. Et le premier film où l'on voit apparaître, alors de façon très nette, cet élément, c'est le chèque blanc de Fellini, en français Courrier du cœur. Et Sordi, donc, après le chèque blanc, fait Vitelloni. Le film connaît un gros succès, il est récompensé, il aide à un développement du cinéma italien de l'immédiate après-guerre. Et en même temps, là, il compose déjà un personnage qu'il a, d'une certaine manière, conservé tout au long de sa vie. D'ailleurs, quand il parle de ce personnage, il se réfère toujours à lui, à Nando, personnage du Vitelloni. Bon, le Vitelloni, c'est le personnage, donc, l'Italien des années 50, qui n'a pas trop souffert de la guerre et qui cherche à se débrouiller dans l'immédiate après-guerre. Petit métier et, en même temps, il veut vivre et profiter de tout ce qui s'offre à lui. Alors que Toto a conservé, disons, toute sa vie ce besoin de vivre au jour le jour, mais, comme je le disais tout à l'heure, sans autres soucis. Toto lui-même, par caractère, disait qu'il détestait tout le monde contemporain. Il disait « je suis un homme des croisades ». Ou même plus loin, j'appartiens bien sûr au premier siècle. Je déteste le bruit, je déteste la pollution, la bousculade, tous ces éléments contemporains ne m'intéressent pas. Au contraire, donc, Sordi représente l'Italien qui, lui, veut s'intégrer dans le monde moderne, qui veut aider à la reconstruction de l'Italie, qui veut surtout profiter de tous les avantages qu'ont fait miroiter aux yeux des Italiens les Américains venus à partir de 1943, il veut profiter de ce qu'on va bientôt appeler le boom. Guarda, comparocce, io quando facevo ora ste quattro passi di tarantella. Femmine mascole con buona creanza, a ballate tutte panza con panza. Oh, Quanta vega non mi ha fatto, sarò già un catenaccio, che a povera creatura ci ha ruggiato la firmatura. Ai ai ai, che mogliere che pigliai, tanta nanna e nove mesi, mi così io ti capisco. Shoo shoo shoo, quanto femmini cacci su, cinque e quattro scafazzate, ne facciamo chi patate, cinque e quattro ammaccatette, ne facciamo chi pisù. Pari Peppe, ti picchio la misura, ti li scarpi, pari nato, ad aggiugare un piede, lo mattonato, e a ballate compare nasetto, e a ballate con tamburetto, ballate compare nasetto, a ballate sempre così, ma non ballo stanco mai, e mi scordo di me guai, ora sì che mi scordo, a sera si incanta una libarota. Stasera ne esce balla la mezzina, e a ballate compare nasetto, e a ballate con tamburetto, a ballate compare nasetto, a ballate sempre così, ma non ballo santo mai, e mi scordo di me guai, ora sì che mi scordo. Stasera si incanta una libarota, stasera ne esce balla la mezzina. Propre du grand acteur italien est de pouvoir passer du drame à la comédie, et aucun d'entre eux, enfin si l'on prend les quatre grands, Gassman, Tognazzi, Sordi et Manfredi, se sont tous montrés capables de passer du drame à la comédie, et souvent c'est en jouant des rôles dramatiques ou semi-dramatiques qu'ils ont fini par rappeler l'attention sur les comédies qu'ils avaient fait par ailleurs. Je laisse de côté volontairement le cas de Marcello Mastroianni parce que, bien entendu, il peut jouer la comédie admirablement. Il a même débuté d'ailleurs comme jeune premier comique. Mais, de toute évidence, son véritable registre se situe, j'allais dire, au-delà de la comédie et du drame, enfin dans un type d'interprétation tout à fait particulier et personnel qui fait qu'on le reconnaît encore plus facilement à sa seule présence qu'à son jeu. La présence des grands acteurs dont j'avais parlé auparavant est une présence plus typifiée, plus diversifiée. D'ailleurs, on voit bien, enfin, les metteurs en scène eux-mêmes le reconnaissent. D'après Dino Risi, les deux Italiens types, c'est évidemment Sordi, les deux Romains types, c'est Sordi et Tognazzi. Sordi est d'ailleurs à Rome une institution nationale. Enfin, les gens le disent bonjour dans la rue, enfin. Mais justement, nous parlions des peuples tout à l'heure, c'est parce qu'il est le Romain. Il a, je crois, du côté romain, il a par exemple d'abord la facilité pour prendre les rôles de snob, pour adopter le snobisme. Dans Les Nouveaux Monstres, il y a un sketch réalisé par Monicelli, mais entièrement écrit par Sordi, où il fait un personnage extrêmement snob qui trouve un blessé et qui, en essayant de faire hospitaliser ce blessé dans différents hôpitaux militaires, raconte toute sa vie, tous ses exploits pendant la guerre. C'est une sorte de caricature d'une certaine classe mondaine italienne depuis une vingtaine d'années. Et finalement, d'ailleurs, il abandonne le blessé là où il l'a trouvé, puisqu'il n'a pas trouvé d'hôpital où le laisser. Sordi, donc, est romain par cette façon de se moquer de la société romaine, qu'un Toto ignore complètement dans ses films, sauf par des hasards. Sordi est romain aussi, je crois, enfin, je ne voudrais pas insulter les Romains, mais disant selon l'image que l'on se fait des Romains en Italie, il est romain par ce côté assez caméléon. Dans ses films, Sordi se transforme en général en son interlocuteur. S'il est devant un général, il va prendre tout de suite l'attitude du soldat. Il va être très militaire. S'il est devant une haute autorité, il se calque sur son interlocuteur avec une facilité déconcertante. Et cette chance qui s'estende, ta braise forte, plus forte. Je me rappelle, de temps en temps, me revient à l'esprit. Quand j'étais à l'âge de 12-13 ans, je vivais à la maison d'une tante, d'un oncle à moi, et ils avaient trois filles. Moi, j'étais fou d'une de ces filles-là. Et une nuit, j'ai rêvé que j'ai volé et je rentrais par la fenêtre, j'ai tombé sur le lit, sur elle. J'ai jamais oublié ce rêve-là. Signora, non ho fatto questa strada stamattina io, non c'era questo canale. Facciamo una scortata di qua. Come sembra? Casi, le rane che canta. Le rane. Ma chi ha voglia di stare a sentire le rane? Quanto tempo manca ancora per arrivare? Fra poco che siamo. Dans les années 50, on assiste aussi à cette explosion des divas du cinéma italien qui ont une saveur tout à fait particulière, bien à nous, qui ne sont pas la reproduction des mythes ou des images du cinéma hollywoodien, mais qui ont un physique très, très italien et sont l'image même de certaines villes. Et on pourrait dire que ce sont des images d'un dialecte dans un certain sens. C'est le dialecte fait image. Et ce sont des maggiorate, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des femmes aux attributs physiques majeurs. Et pour une Italie qui sortait famélique de la guerre, c'est assez important de comprendre ce que ça pouvait signifier, les rondeurs, l'abondance d'actrices comme Gina Lollobrigida avec son dialecte romain, ou plutôt Ciociaro de la campagne romaine, ou une Sophia Loren qui était l'incarnation de la napolitaine, ou Silvana Mangano, personne ne l'aura oublié dans Risamaro, malheureusement après Silvana Mangano devient une femme très raffinée, fascinante, mais mauvaise comédienne dans Visconti, mais au début c'était cette femme étonnante de Risamaro, questa mondina. Et donc encore une fois, le public se reconnaît dans ces femmes. Et c'est la grande période, la grande mode des concours de beauté, de Miss Cinéma, de Miss Italie, et où toute fille peut aspirer à devenir une vedette. Et films comme Risoamaro, qui étaient centrés sur une vedette féminine qu'il s'agissait de mettre en valeur physiquement, de prime abord. Aller exactement dans le même sens que les premières comédies italiennes un petit peu libres de ton, n'est-ce pas, où la sexualité a immédiatement fait son apparition. Ceci certainement d'abord par un phénomène de libération dans tous les sens du terme, et aussi par un phénomène de déphasement ou de déplacement par rapport à un certain type de convention proprement cinématographique. En effet, l'après-guerre en Italie a vu apparaître, d'une part, la continuation de ce qui avait été entrepris sous le fascisme, c'est-à-dire faire de Cinecittà un Hollywood. Un Hollywood suppose des stars, donc des créatures féminines, considérées comme des modèles de beauté, des êtres plus ou moins inaccessibles, et des phénomènes, plutôt des cas de référence, des exemples de référence pour les canons de la beauté féminine en général. Bien. Mais ce mouvement, continué et même renforcé à certains égards par la copie plus libre des modèles américains, la copie plus facile du modèle américain, dans les années 45-49, en même temps ce mouvement se trouvait contredit par la démocratisation du cinéma en général et du cinéma italien en particulier, et dans ce cas, il faut bien dire que le phénomène a reproduit encore une fois, curieusement, le phénomène américain, car cette période a été à Hollywood celle où les stars ont cessé d'être des divinités inaccessibles pour devenir, tout en restant des modèles peu accessibles, se sont en quelque sorte humanisées. La même chose s'est produite en Italie, et s'est produite d'autant plus que il s'en fallait de beaucoup que les stars italiennes aient la richesse et les moyens d'existence au-dessus du commun des mortels des stars hollywoodiennes. Même dans leur moment de plus grande splendeur, les stars de Cinecittà, je veux dire à l'époque, bon, ça se passait essentiellement entre Silvana Mangano et Sophia Loren et Gina Lollobrigida, eh bien, aucune d'entre elles n'était en état de soutenir le type de vie d'une star hollywoodienne. Et en plus, la censure catholique Et les conditions générales d'existence en Italie faisaient qu'il n'était pas non plus question pour elle d'avoir l'existence extravagante ou scandaleuse au moins de certaines stars d'Hollywood. Donc elles se sont trouvées maintenues, en un sens, de plein pied, ou presque de plein pied, avec la population italienne, tout en gardant une aura particulière, n'est-ce pas, de grandes vedettes, renforcées évidemment pour les besoins de la cause par la publicité. Eccolo là ! È lui ! Scusate, io non capisco cosa... On n'a jamais vu dans la femme italienne, dans la star, dans la diva italienne, une femme complètement réussie, disons. On voyait presque toujours les côtés un peu latoidiens, disons, dans un sens un peu restrictif. Il faut dire aussi qu'à part l'admirable interprète de Senso, Alida Valli, il n'y a pas eu de... Les autres interprètes italiennes étaient tous un peu de femmes, disons, on dit en Italie, prospérose, cioè, en grande forme, de femmes un peu féliniennes. Typiquement, les deux typiques stars de l'époque, Gina Lollobrigida et Sophie Loren, sont un peu les représentants les plus typiques de cette incarnation de, disons, d'une femme objet plutôt qu'une femme, à regarder, pas une femme compagne. La Magnani ne rentre pas dans cette. Magnani était on dit, avec une expression peut-être un peu rhétorique, mais vraie, parce que parfois la rhétorique dit des choses. C'était une force de la nature. Elle était une paysanne, prolétaire de Rome. Elle a tout le temps joué le même personnage. Peut-être dans un film de Renoir, elle a fait un personnage. Elle a joué un personnage de théâtre, mais en général, elle était toujours la paysanne, la prolétaire. Qui se dispute avec tout le monde, plein de générosité, mais elle n'a jamais été, disons, une diva, parce que elle représentait pas le symbole de, n'était pas un sex symbol. C'est un réalisme de la peau, dans tout sens. Un réalisme de la peau, parce que finalement, l'érotisme italien était un drôle jusqu'à nos jours. Enfin, finalement, maintenant, l'évolution est tout à fait différente. Mais il y a eu, pendant le fascisme, une alliance entre la pruderie fasciste et la pruderie catholique. La pruderie religieuse qui faisait que voir un bout de jambe était absolument un plaisir imprévu et interdit. Et donc, tout ce qui concernait la chair, tout ce qui concernait l'amour physique, était absolument châtié et tenu comme ça, caché comme quelque chose de comme un danger mortel. Et que donc, les fameuses jambes ou bas de soie de Mangano, de Silvana Mangano, dans le Rien Merde de Santis, qui est un film qui à l'époque a soulevé des polémiques, des descriptions enthousiastes, etc., était vraiment le début de quelque chose qui serait devenu après un torrent, parce que finalement le passage d'une doctrine prude à une doctrine totalement libre comme est celle de maintenant, et hélas avec tous les excès que nous connaissons, jusqu'au porno le plus déchaîné, le plus échevelé, s'est manifesté dans le cinéma, comme dans la société italienne, parce que c'est bien, il faut bien le mettre en évidence, il ne s'agit pas d'un phénomène cinématographique, il s'agit d'un phénomène de société, avec une rapidité, dans une concentration des temps qui n'a absolument aucun égal dans aucune autre société européenne. Vous comprenez, on est passé d'une manière tellement rapide de cette pruderie à la liberté la plus totale, que finalement tous les excès sont compréhensibles. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation totalement anarchique et parfois vraiment repoussante dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas eu le temps de mûrir une notion de l'érotisme qui soit une notion que dans d'autres pays du monde s'est diluée à travers des siècles de culture, d'évolution sociale, etc. Vous comprenez ? Il y a eu toujours chez nous cette sorte de très forte contrainte venue, je vous répète, d'une part par la présence pluriséculaire de l'Église et de la morale de l'Église, d'une part, et puis par la jonction du moral politique qui était celle prude, finalement, du fascisme qui, à ce point de vue-là, rappelait certains points de vue des doctrines puritaines des communistes. « Cinéma sous les branches. Roland Gay, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Claude Belli, Jean de Marquis, Enrico Fulchignoni, Francesca Isidori, Alain Garceau, Gérard Legrand, Jean-Paul Manganaro, Alberto Sordi, Aldo Tassone. Texte de Toto, Robert Benayoun, Dario Fo, lu par Jean Gasto. Demain, la comédie italienne. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 septembre 1980. La suite, demain, à la même heure. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.